j'ai mangé une soupe, ouais. Hein? J'ai mangé qu'une soupe. C'est pas beaucoup dans la soupe. J'ai faim. Je vais avancer. Ay, lo, es la mula donde estaba.